est pericoloso spogarsi. Il est dangereux de se pencher. Faustine se réveille en sursaut. Elle a de nouveau rêvé. Elle erre dans une gare de triage et se faufile entre les voies, entre les trains. Il fait nuit. L'endroit est mal éclairé. Elle ne connaît pas le terrain, ne sait toujours pas si elle se trouve entre les voies ou entre les rails. Comme dans un mauvais film, des trains circulent. D'abord au ralenti, puis ils prennent de la vitesse. Certains se croisent. Faustine se retrouve entre eux. Elle s'aplatit. Surtout ne pas se laisser happer. Si les trains arrivent lentement, ce n'est pas grave. C'est plus délicat quand ils accélèrent. Elle se demande si, en se couchant sur la voie, entre les roues, elle serait écrasée. Si, grimpant sur un wagon, elle dégringolerait. Que se passe-t-il dans les tunnels? Faustine échappe de justesse à un train qu'elle n'a pas vu venir et se réveille. Son autre rêve récurrent est celui de l'ascenseur. Elle commence à monter, mais la cabine ne s'arrête pas au dernier étage. Faustine réalise qu'elle est sortie de l'immeuble. Elle sent physiquement que la cage n'est plus entourée de murs, plus encadrée. Dès que Faustine l'a constaté, l'ascenseur commence sa descente, en chute libre. D'abord au ralenti, Faustine pourrait presque sauter en marche depuis le toit, si elle réussissait à monter dessus. Puis, de plus en plus vite, Faustine est attirée vers le plafond. Jambes en l'air, tête en bas, elle se retient de toutes ses forces à la barre intérieure. Elle ne saura jamais ce qu'on ressent en percutant le sol. Elle aimerait bien. Elle se réveille chaque fois avant. Il lui arrive de se rendormir en rembobinant le songe, en le dirigeant. Elle ne tombe pas toujours avec un ascenseur. Parfois, elle chute d'un balcon qui s'écroule, ou d'une falaise, ou d'un avion. Toujours elle se rattrape à quelque chose, tombe sur un tapis mou, se récupère au final. À force, elle a appris à aimer cette sensation de liberté, ce vertige. Quand elle avait 8 ans, se souvient-elle, elle pédalait à toute vitesse sur son lit, en sautant, dans l'espoir de rester en l'air le plus longtemps possible. Elle fait rarement d'autres rêves, mis à part ceux qui sont prémonitoires, mais néanmoins banals, stagnant dans les scènes du quotidien. Malgré tout, elle prend conscience de sa mortalité, sa l'angoisse, mais elle n'a pas envie que maman se moque, alors elle réserve ses craintes. Les vacances de Pâques ont été consacrées au déménagement. Les parents ont trouvé un 5 pièces dans un logement subventionné, résidence des Oliviers, à La Fontaine, entre Villeneuve-Loubet et Antibes. Le salon est immense. Chaque enfant dispose de sa chambre et les parents, enfin, de la leur. Ils louent également 2 garages afin d'y entreposer les vanneries. Papa et maman se félicitent d'avoir trouvé la perle rare. Leur appartement donne sur la mer sans aucun vis-à-vis. Dans ces conditions, vivre dans une habitation à loyer modéré devient tout à fait supportable. La chambre de Faustine donne sur la cour. Elle est très joliment tapissée. À nouveau, une partie de son armoire à vêtements est réquisitionnée. Maman y range les mousses de rembourrage et certains tissus. Côté salon, une moitié fait office de salle à manger coin télévision et l'autre d'atelier. Cette fois, les parents ont investi dans des machines à coudre d'occasion semi-professionnelles de marque Pfaff. L'ado aime bien ce mot, on dirait un soupir. Leur efficacité, aux machines bien sûr, est redoutable. L'atelier donne sur la mer, ainsi que toutes les chambres à coucher, sauf celle de Faustine. La date des épreuves du BEPC approche. Et chaque soir, pendant les dernières semaines, papa s'efforce d'inculquer à Faustine les notions de mathématiques qu'elle n'a pas encore acquises. Le pauvre s'arrache les rares cheveux qui lui restent sur le sommet du crâne, mais le jour J, il pense que la jeune fille est prête. Faustine s'efforce d'attirer l'attention. C'est la première fois qu'elle passe des examens tout de même. Mais ça ne suffit pas à impressionner maman. Quand l'adolescente évoque son appréhension, sa mère lui répond de ne pas se monter la tête, d'agir comme si, actrice, elle avait joué cela des dizaines de fois. Ça marche! Faustine est plus concernée par le pique-nique qu'elle savourera en compagnie de ses camarades entre l'oral et l'écrit que par les matières examinées. Elle a la chance d'amorcer avec l'anglais. Son aisance bluffe l'examinatrice. Merci, Nicole. Faustine, gonflée à bloc, poursuit sur sa lancée. À comparer les réponses en maths, français et histoire-géo pendant les pauses, elle se rassure et attend les résultats sans trop d'inquiétude. De fait, ceux-ci sont tout à fait honorables au vu de son parcours chaotique. 8e en maths sur 32, première des filles, et le reste à l'avenant. En récompense, elle reçoit 100 francs de la part de ses parents. Elle passera tout un après-midi à chercher un pantalon assorti à la tunique que maman lui a léguée. L'ensemble est ravissant, mais ces falzards en lin, quelle plaie à repasser! Nous sommes au début du mois de juillet 1972. Faustine aura 16 ans dans 6 semaines. Elle fait ses adieux aux élèves de sa classe, annonce à ses professeurs qu'elle n'est pas sûre de revenir. En effet, dès la fin des examens, elle a eu de longues discussions avec ses parents qui l'ont convaincue de remplacer des études inutiles par un apprentissage bien concret. Maman sera sa patronne. Elle a besoin d'aide et n'a pas les moyens de s'offrir une employée. Elle fait un tableau tellement idyllique de la situation, plus d'obligations scolaires, gagner sa vie, son autonomie, aller en vacances deux fois par an, reprendre l'affaire un jour, devenir patronne à son tour, que Faustine est séduite. Papa ajoute en rigolant, « À quoi tu servirais d'avoir le baccalauréat? Tu vas te marier, avoir des enfants, ton mari sera très content que tu aies un bon métier, peut-être même ta propre entreprise artisanale. Sans compter que tu pourras toujours reprendre des études quand tu le voudras. Dans la vie, quand on veut, on peut. » achève-t-il en cœur. Qu'ils soient les seuls enfants à exercer leur métier, imposant à Faustine une spécialisation qui lui fermera toutes les autres portes, ils se gardent bien de le proclamer. Dans l'immédiat, ce qui compte pour eux, c'est de disposer de main-d'œuvre à peu de frais. L'affaire est si rondement menée que l'adolescente n'y voit que du feu, et seulement les avantages immédiats. À 16 ans, préparer l'avenir n'a pas encore de sens, surtout quand on vous dit et répète que vous pourrez accomplir ce que vous voudrez dans votre vie à n'importe quel âge. Comment aurait-elle pu prévoir que ce ne serait pas à n'importe quel prix? S'imagine-t-on à 16 ans, une main touillant dans la casserole, l'autre berçant le nouveau-né et la troisième tournant les pages d'un manuel? Faustine ne conçoit pas que des parents se moquent de l'avenir de leur enfant. Au début, les professeurs de Faustine, ayant plus de recul qu'elle par rapport à la situation, téléphoneront chacun leur tour à ses parents, espérant les inciter à changer d'avis, qu'ils la laissent au moins aller jusqu'au bac. Tout ce qu'ils obtiendront, c'est la vague promesse que Faustine suivra, parallèlement à son travail, les cours de secrétariat de l'école Piget de Nice, chose qu'elle n'aura jamais le temps de faire. Quant à papa, qui gère toute la comptabilité de l'entreprise, il n'estimera pas non plus nécessaire de lui en enseigner les rudiments, pourtant bien utile si elle devait se mettre à son compte un jour. Présentement, Faustine trouve que c'est très bien comme ça. Elle s'estime franchement heureuse et clame haut et fort qu'elle est d'accord sur tout. Ses parents conservent toute sa confiance et sa loyauté. Elle gagne 173 francs 50 par mois. Elle aura 300 francs en deuxième année. Elle est logée, nourrie, blanchie, mais elle doit pourvoir elle-même à ses vacances si elle veut partir. Fière de sa liberté, elle a trouvé sur catalogue un camp de ski pour la période entre Noël et Nouvel An. Elle réussira bien à mettre 450 francs de côté d'ici là. Cet été, elle se contentera de la maison des jeunes et de la culture de Cagnes-sur-Mer. Au camp de CRS, sur la plage, les dirigeants ne sont plus les mêmes. L'ambiance est moins sympa, et puis depuis Antibes, c'est trop loin. Faustine renonce donc à y aller systématiquement. Nicole, de son côté, est repartie en Angleterre jusqu'en septembre. Lors de leur téléphone d'adieu, maman, écouteur à l'oreille, a soufflé à Faustine des réponses venimeuses, légèrement méprisantes. Aux propos enthousiastes de son amie, la jeune fille a opposé qu'elle n'était pas à plaindre, car sa vie d'apprentie serait bien plus passionnante que n'importe quel fin de parcours estudiantin. Et toc! On sait que diviser pour régner a toujours été la devise de maman. Elle ne veut surtout pas que la meilleure amie de sa fille la monte contre elle. La pauvre Nicole, blessée, désolée, n'appellera plus. Totalement inconsciente des enjeux qui se sont joués là, Faustine perd la seule camarade de son âge qu'elle ait jamais eue. Solitaire, elle redevient manipulable à souhait. Afin de compenser les activités perdues, elle s'inscrit à la bibliothèque municipale, où elle a le droit d'emprunter gratuitement tous les livres qu'elle veut. Elle parcourt à pied les 3 kilomètres du trajet. En juillet, la MJC propose un programme intéressant. Plusieurs sorties, la visite du parc national du Mercantour, une virée à Saint-Martin-de-Vésubie avec pique-nique et longue marche, une autre au col de Tende. Le reste du temps, bronzette et natation sont de rigueur. À la fontaine, la plage est juste en face de chez eux. Faustine et Stéphane prennent les 3 passages qui passent sous la ligne du chemin de fer et les y mènent tout droit. Devant une villa pousse un immense figuier regorgeant de fruits mûrs. Faustine et son frère sont régalent à l'aller comme au retour. Cette année-là, il y a souvent des orages en fin d'après-midi. Papa dit que ce sont des orages électriques. Ils font un bruit différent, un peu angoissant. Ils sont secs, sans pluie, ce qui n'arrange pas les paysans qui râlent plus encore que d'habitude. Par contre, Faustine et sa famille sont aux premières loges puisque l'appartement donne sur la mer. Ils assistent, fascinés, à ce feu d'artifice grandiose. Un autre divertissement sera le festival de jazz de Juan-les-Pins. Ils y vont en famille, écouter Claude Luther, Maxime Souris, Stéphane Grappelli et bien d'autres grosses pointures, tout en savourant sans vergogne d'énormes glaces. Faustine en profite. Dès le 1er août, ce sera la rentrée, sa rentrée de travailleuse.